apprécie. J'en ai vu avec des calibres, ils avaient le temps là à Messi. Remonte ta langue, rien que tu se vante. Je remonte la pente, toujours au top des ventes. C'est pas t'apprendre des manies, ils volent dans le sac à mamie. Ça passe que c'est le Mohami, perdu dans la cocaïne. Je suis rappeur, je suis pas caïd, je connais les pères qui zacanine. Je connais les valeurs de la famille, je connais les bolleurs du secteur. Je connais ma tête, l'inspecteur, mon conseil de traîner la nuit. Si on m'attrape, je suis fils, moi qui va avoir des ennuis. C'est sous Guigui, ah, je suis en Didi, ah, j'écoute ce qu'il dit, ah, rien de voir ici. Je vais me prendre la Honda ADG, planifier mes RDB au sud, je sais que DTP, je reçois en photo DTT, c'est plus que c'était les frangins. Je fais rupter le moteur vers étrangers, c'est plus des gens, c'est des engins. Double album, regarde la jalousie, c'est le taf qui paye, c'est Dieu qui donne. Faut t'en réfléchir, la vie me fume un petit peu, je suis dans un camp entre deux, faut que je roule un pétant de deux, faut que je fasse gaffe à 4 et 2. Putain de telle, putain de vie, putain de telle, putain de vie. La mise m'a pissé, elle s'est fait un torticolis, elle te dit je suis pas comme ça, après elle fait sa folle au lit. On me dit qu'est-ce que ça, plus on ne voit jamais. Par l'album, si je m'arrête quelque chose, c'est programmé. Au moins, tu fais un attentat, de moi, qu'est-ce que ça t'envoie. Tu comptes sur les gens de toi, tu vas finir sur les gens de toi. Je mets les gants, je mets le roof, je mets le contact. Je vais rafaler YouTube, tu vas sentir l'impact. On sort ma tosse, ma tosse. Je mets les gants, je mets le roof, je mets le contact. Je vais rafaler YouTube, tu vas sentir l'impact. Ma tosse, ma tosse. On sort ma tosse, ma tosse. Je te mets un crochet, la lune, je veux décrocher. Je m'enferme un moment au sud, le but c'est de faire deux projets. Rien à foutre, j'ai plus le temps de regarder à droite à gauche. Quand je rentre tout seul dans la voiture, j'ai un douze dans la sacoche. C'est toute une vie, maman, je te remercie, j'ai pas le nez dans la mâche. C'est l'hiver, mais je fais les mèches, fais ça pour moi, pas pour les mines. J'ai la tête, j'suis jamais content. Tu deviens hautain, j't'oublie, j'fume à l'hôtel. J'prépare le physique pour le bel, j'en ai des nausées. Une envie de les crosser, j'vais revenir avec un gros qui préparait tous les crosses. On va faire des bosses, sans dire qu'on est les boss. Moi aussi, j'ai des dos, mais j'passerai là, j'vous les gosses. J'oublie pas d'où je suis, j'oublie pas qui me suit. J'suis la même seule contre tout, toutes mes larmes, j'y suis. Et j'suis bien le move. Je vais encore choquer des gens, je vais rafaler YouTube, tu te touches dans la légende. Je vois pas trop fond les fous, je vois pas trop fond les pierres, les blèmes, faut les affronter, tu peux pas, il faut les fuir. Je suis arrivé du trou du cul du loup, toi tu respectes pas, tu l'ouvres. Je vois le bout du tunnel, je pense les portes de la Twingo. Et des embrouilles, tu verras qui se mêlera. Fais pas l'andouille, tu verras qui te volera. Fais des magouilles, tu verras qui te volera. T'as galéré, t'as vu que personne ne te donnera. Wop hop hop hop, on mourra tôt ou tard. Wop hop hop hop, je les baisse ces bâtards. Wop hop hop hop, les motards. Wop hop hop hop, esquive les motards. T'en verras bien où ça nous mènera. Ce que je ferai, ce que tu feras, combien ça durera et qui te trahira. T'en verras bien où ça nous mènera. Ce que je ferai, ce que tu feras, combien ça durera et qui te trahira. Je mets les gants, je mets le roof, je mets le contact. Je vais rafaler YouTube, tu vas sentir l'impact. Ma tosse, ma tosse. On sort ma tosse, ma tosse. Je mets les gants, je mets le roof, je mets le contact. Je vais rafaler YouTube, tu vas sentir l'impact. Ma tosse, ma tosse. On sort ma tosse, ma tosse. Je fais plus trop la main, je m'en mets pas dans le nez. Maman, je vais t'emmener, cette salope est cramenée. Quand je porte le flic marronné, mais moi aussi c'est parodé. Big up dira, je suis des nords et les beaux mecs du AOD. Frangin, je m'ennuie tellement, je vends pas, je pense sincèrement. Quand je kick, c'est sévèrement, doré de platine sur le serrement. Ça se fuit, mais non seulement, ça fait trier éternellement. Les mêmes qui disent pourquoi je suis mon frère, mais qui sont pas là à l'enterrement. Quand tu fais des as, un petit donut de go, wow. Tu me joues le go, wow. Quand tu donnes, tu te fais planter dans le dos, wow. Faut pas marronner, faut pas faire les mythos, wow. Je suis énervé, ça fait pop, pop, pop, pop, pop. La bougie, ça fait ta ta ta ta ta. Ça allait gros, ça veut même ce que t'as pas. Pas de blabla, gros, je m'en bats les clés ou clés. Ouais, flow, bazooka, zouka, avec, je te fais zouker, zouker. J'aime pas les poucaves et ceux qui croient qu'ils ont tout fait tous les week-ends. Si je veux, je fais la malade, je suis bouqué. Si je me fais discret, c'est que je veux, pas que je sois overbooké. Avant, ça se manquait, après, je les ai mis au pied. Ensuite, faudrait que je fasse armer la bouche de tous ces perroquets. Tu veux me voir, je suis OP. Cousin, fais de la place, tu me vois pas, moi je te vois. Regarde-toi dans la glace, jamais baisser la tête, jamais montrer ton adresse. Ils demandent pas, rajoute la pousse, pourquoi le micro, je l'agresse. Je fais du rap pour ma team, j'en fous d'être premier sur iTunes. J'ai pas changé, le savais-tu, même personne, même habitué. Et moi, le fuck, faut que je les choque. Je connais l'échec, le chat et l'échec avec plein de zéros. Mais j'ai jamais fait le héros, j'ai jamais fait le zoro. Tu me laisses alléger du bide, il me reste un peu de taureau. Tu me laisses alléger du bide, il me reste un peu de taureau. Tu me laisses alléger du bide, il me reste un peu de taureau. Tu me laisses alléger du bide, il me reste un peu de taureau.